Jean chapitre 8. Mais Jésus s'en alla à la montagne des Oliviers, et à la pointe du jour il vint encore au temple, et tout le peuple vint à lui, et s'étant assis, il les enseignait. Et les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme surprise en adultère, et l'ayant placée au milieu, ils lui dirent, « Maître, cette femme a été surprise sur le fait même, comme étant adultère. Or Moïse nous a commandé dans la loi, de lapider celles qui sont dans son cas, toi donc, qu'en dis-tu ? » Or il disait cela pour l'éprouver, afin qu'ils eussent de quoi l'accuser. Mais Jésus s'étant penché en bas, écrivait avec son doigt sur la terre. Et comme ils continuaient à l'interroger, s'étant relevé, il leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant encore baissé, il écrivait sur la terre. Or, quand ils eurent entendu cela, étant condamnés par leur conscience, ils sortirent à un, en commençant depuis les plus anciens jusqu'au dernier, de sorte que Jésus demeura seul avec la femme, qui était là au milieu. Alors Jésus s'étant relevé, et ne voyant personne que la femme, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Nul ne t'a-t-il condamné ?» Elle dit, « Nul, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va, et ne pêche plus. » Et Jésus leur parla encore, en disant, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit, ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alors les pharisiens lui dirent, « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas digne de foi. » Jésus répondit, et leur dit, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est digne de foi, car je sais d'où je suis venu, et où je vais, mais vous ne savez d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez selon la chair, mais moi, je ne juge personne. Que si même je juge, mon jugement est digne de foi, car je ne suis point seul, mais il y a et moi et le Père qui m'a envoyé. Il est même écrit dans votre loi, que le témoignage de deux hommes est digne de foi. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend aussi témoignage de moi. » Alors ils lui dirent, « Où est ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Jésus dit ces paroles dans la trésorerie, enseignant au temple, mais personne ne le saisit, parce que son heure n'était pas encore venue. Et Jésus leur dit encore, « Je m'en vais, et vous me chercherez, mais vous mourrez en votre péché, là où je vais, vous n'y pouvez venir. » Les Juifs donc disaient, « Se tuera-t-il lui-même, qui disent, « Là où je vais, vous n'y pouvez venir ?» Alors il leur dit, « Vous êtes d'en bas, mais moi, je suis d'en haut, vous êtes de ce monde, mais moi, je ne suis point de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit, que vous mourrez en vos péchés, car si vous ne croyez que c'est moi, vous mourrez en vos péchés. » Alors ils lui dirent, « Toi, qui es-tu ? » Et Jésus leur dit, « Ce que je vous ai dit dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à condamner en vous, mais celui qui m'a envoyé est véritable, et les choses que j'ai ouïes de lui, je les dis au monde. Ils ne connurent point qu'il leur parlait du Père. » Jésus donc leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez alors que c'est moi, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je dis ces choses ainsi que mon Père m'a enseigné. Car celui qui m'a envoyé est avec moi, le Père ne m'a point laissé seul, parce que je fais toujours les choses qui lui plaisent. » Comme il disait ces choses, plusieurs crurent en lui. Et Jésus disait aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous persistez en ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et jamais nous ne servîmes personne. Comment donc dis-tu, vous serez rendu libre ?» Jésus leur répondit, « en vérité je vous dis, quiconque fait le péché, est esclave du péché. Or l'esclave ne demeure point toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Si donc le fils vous a franchi, vous serez véritablement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais pourtant vous tâchez à me faire mourir, parce que ma parole n'est pas reçue dans vos cœurs. Je vous dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous aussi, vous faites les choses que vous avez vues chez votre père. » Ils répondirent, et lui dirent, « Notre père c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous tâchez de me faire mourir, moi qui suis un homme qui vous ai dit la vérité, laquelle j'ai ouï de Dieu, Abraham n'a point fait cela. Vous faites les actions de votre père. » Et ils lui dirent, « Nous ne sommes pas des enfants bâtards, nous avons un père qui est Dieu. » Mais Jésus leur dit, « Si Dieu était votre père, certes vous m'aimeriez, puisque je suis issu de Dieu, et que je viens de lui, car je ne suis point venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi n'entendez-vous point mon langage? C'est parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Le père dont vous êtes issu c'est le diable, et vous voulez faire les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il n'a point persévéré dans la vérité, car la vérité n'est point en lui. Toutes les fois qu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur, et le père du mensonge. Mais pour moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez point. Qui est celui d'entre vous qui me reprendra de péché? Et si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous point? Celui qui est de Dieu, entend les paroles de Dieu, mais vous ne les entendez point, parce que vous n'êtes point de Dieu. » Alors les Juifs répondirent, et lui dirent, « Ne disons-nous pas bien que tu es un Samaritain, et que tu as un démon? » Jésus répondit, « Je n'ai point un démon, mais j'honore mon Père, et vous me déshonorez. Or je ne cherche point ma gloire, il y en a un qui la cherche, et qui en juge. En vérité je vous dis, que si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra point. » Les Juifs donc lui dirent, « Maintenant nous connaissons que tu as un démon, Abraham est mort, et les prophètes aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra point. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts, qui te fais-tu toi-même? » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien, mon Père est celui qui me glorifie, celui duquel vous dites qu'il est votre Dieu. Toutefois vous ne l'avez point connu, mais moi, je le connais, et si je dis que je ne le connais point, je serai menteur, semblable à vous, mais je le connais, et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de voir cette mienne journée, et il l'a vue, et s'en est réjoui. » Sur cela les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans, et tu as vu Abraham. » Et Jésus leur dit, « en vérité, je vous dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Alors ils levèrent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha, et sortit du temple, ayant passé au travers d'eux, et ainsi il s'en alla.